Les masses médias de divers pays et régions comme la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Indonésie, la France, Cuba, le Laos, l'Inde, le Myanmar, Singapour, la Chine, le Japon, l'Ouganda, la Guinée et l'Allemagne ont rapporté que le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté le tir expérimental de l'engin balistique stratégique de longue et moyenne portée Sol-Sol Bukusong 2.